Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. 1er juillet 1962, 1er juillet 2020, cela fait 58 ans que le Burundi est indépendant. 58 ans d'indépendance, le pays a de quoi se réjouir et sans doute, mais à quel niveau? Quel est l'état des lieux aujourd'hui par rapport à cette indépendance, au niveau politique, économique, social, diplomatique, etc.? Quels défis, mais aussi quelles perspectives pour bien consolider l'indépendance acquise il y a justement 58 ans? Il y a avec nous sur le plateau trois invités. Jean-Claude Karirguan Denzako, vous êtes le porte-parole du président de la République, un poste qui n'est pas du tout nouveau pour vous et nous vous en félicitons. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité, merci aussi pour les félicitations. Professeur Émile Mworoha, vous êtes historien, enseignant d'université, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Culture, ancien co-président de l'Assemblée ACP, CEE, Afrique et Caraïbes et Pacifique, Communauté économique européenne, l'Union européenne aujourd'hui. Ça peut ne pas être facile de tout dire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis nous sommes avec Faustin Ndikumana, économiste. Vous êtes un consultant indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitewutsi, Renaud Nyongheza et Gracia Justicia Tuikeze pour la prise d'image. Réalisation d'Evariste Nzikobanyanga et au micro, Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La première question, je vais l'adresser à vous, Jean-Claude Karirguan Denzako, le porte-parole du président de la République. Quelle serait l'image que vous vous faites ou que vous vous feriez pour le Burundi après 58 ans d'indépendance? Après 58 ans d'indépendance, on peut dire que, d'abord, pour retourner en arrière, le Burundi n'a pas 58 ans d'indépendance. C'est beaucoup plus. Le Burundi était un pays indépendant avant la colonisation. Donc il est très difficile de déterminer combien d'années le Burundi est indépendant. L'indépendance a été spoliée. L'indépendance était là avant la colonisation. Est-ce que vous pouvez donc expliquer depuis ça? 1962, le Burundi a reconquis son indépendance qui avait été confisquée par les colonisateurs. Parce que avant la colonisation, le Burundi était un pays indépendant. Et donc, l'image que vous vous feriez aujourd'hui, c'est après ce temps d'années. Oui, disons, après une fois que le Burundi a recouvert son indépendance. Depuis donc, cette fois, 1962. Oui, de 1962 à nos jours, l'image que je me fais du Burundi, c'est un pays qui a traversé des périodes difficiles de son histoire. C'est un pays, comme l'hymne national le dit, a souffert et tombé des fois, mais qui s'est relevé et qui aujourd'hui essaie pas à pas de redorer les blasons, de retrouver sa place dans le Conseil des Nations, un pays qui, malgré toujours des tentatives de confisquer son indépendance, prouve à la face du monde que c'est un pays qui est toujours là, qui se bat et qui petit à petit redevient ce qu'il était avant la colonisation. Est-ce que vous pouvez déterminer à quelle allure ou à quelle vitesse le Burundi recouvre son indépendance ou consolide son indépendance? Bon, je ne crois pas. Il est très difficile de dire à quelle allure, mais parce que vous savez, des fois, nous avons vécu des moments de paix, nous avons vécu aussi des moments de guerre, nous avons vécu des moments de crise. Donc, il y a des hauts et des bas. Quand il y a des hauts, le Burundi va vite. Et quand il y a des bas, vous comprenez, bien entendu, que le Burundi stagne, que le Burundi traverse des crises, et ça c'est normal. Mais le plus important, c'est que chaque fois que le Burundi a traversé des moments difficiles, le peuple burundais s'est levé comme un seul homme et a surmonté ces crises-là. Et aujourd'hui, il y a de quoi être satisfait. Vous parlez de recouvrement d'indépendance en 1962, mais le concept indépendance nationale, ça peut avoir plusieurs significations. Qui dit indépendance nationale dit quoi selon vous? qui dit indépendance nationale, pour moi, selon ma conception, c'est que le pays est géré politiquement, économiquement, socioculturellement par les citoyens de ce pays-là, sans interférence, sans influence de cette soi-disant communauté internationale, donc sans influence du monde extérieur. Alors, avant la colonisation, comme je le disais, le Burundi, les Burundais pouvaient satisfaire leurs besoins. Ils avaient de quoi manger, ils pouvaient nourrir et guérir leur bétail. Ils étaient très avancés en technologie. Ils pouvaient fabriquer eux-mêmes les houes pour cultiver leurs champs. Mais avec la colonisation, tout cela s'est écroulé comme un château de cartes. Et vous comprenez qu'à partir donc, de la colonisation, nous a fait reculer en arrière. Mais avec la reconquête de l'indépendance, je me dis que le peuple burundais a compris qu'il doit donc rattraper le temps perdu. Des fois, ils vont vite et des fois, ils s'arrêtent pour réfléchir. Et des fois même, certains s'endorment, mais le peuple burundais... Il n'y a pas des fois où des gens, le pays se retourne en arrière. Oui, parce que vous savez, ce virus-là de la division que le colon a inoculé au Burundais, reste toujours là. Il reste toujours là. Les Burundais ont tellement souffert. Ils ont été empoisonnés par différents poisons. Ils ont été victimes de plusieurs enseignements coloniaux et néocoloniaux. Et pour guérir de tout cela, il faut toute une thérapie. Il faut une combinaison de plusieurs sortes de médicaments. Il faut une combinaison même économiquement. Il faut beaucoup d'efforts qui doivent être conjugués. Et vous comprenez que ce n'est pas facile. Mais comme je te l'ai dit, l'un ou l'autre jour, petit à petit, l'oiseau fera son nid et le Burundi retrouvera sa dignité d'antan. C'est peut-être la même question à vous, professeur Émile Mworoha. C'est quoi cette définition que vous feriez à ce concept indépendance nationale? Le concept d'indépendance nationale, c'est que effectivement, là, le pays a ses institutions propres. Et maître de son destin, reconnu, et a des relations avec d'autres États, et là, ses lois, etc. Donc, le Burundi, effectivement, comme l'a dit M. Karerwa, était indépendant avant la colonisation. Depuis plus de 400 ans, depuis Ntare-Rushatsi, même avant, nous étions une nation indépendante. Et alors est venu, si vous voulez, les colonisateurs, les colonisateurs donc allemands. Vous convergez avec M. Karerwa que le Burundi était indépendant avant la venue de la colonisation. Bien évidemment. Sinon, nous avons eu nos rois qui ont bataillé fortement, à commencer par surtout Mwezi Gisabo, qui a combattu et les Arabes, les Arabisans, les Zanzibarites, les colonisateurs allemands, les Belges, jusqu'au fameux traité de Kiganda, qui a fait que la suprématie allemande a été reconnue. Nous sommes retombés, nous avons été donc colonisés pendant 60 ans, 20 ans allemands, 40 ans belges. Et nous avons recouvré notre indépendance le 1er juillet 62. Et donc, voilà donc, quelle est l'image que je me fais de ce Burundi indépendant. Bien évidemment, c'est une image positive parce que le Burundi, en devenant indépendant, vous savez, il n'aurait pas dû même être colonisé parce qu'on aurait pu commencer la coopération, puisque c'était un État indépendant, on aurait pu commencer la coopération tout de suite, sans entrer dans la colonisation. Donc, depuis les 50 ans, il y a bien sûr beaucoup de choses. Pendant 50 ans, il y a beaucoup de vicissitudes, il y a des moments agréables, des moments aussi de difficultés. Le Burundi a connu beaucoup de difficultés, des périodes très difficiles. Tout le monde le sait, mais elle a participé aussi à reconstruire patiemment le pays, tout en s'intégrant dans la communauté mondiale, internationale, avec l'adhésion aux Nations Unies, l'adhésion à l'OIWA, aux organismes internationaux, l'UNESCO, etc. Donc, il y a toujours, si vous voulez, des choses positives, des bienfaits, mais des défis, parce que la reconstruction d'un pays, c'est quelque chose de permanent. Vous dites que le Burundi ou ses colons auraient passé à la coopération au lieu de passer à la colonisation. C'est-à-dire donc que c'était période d'un peu les 20 ans pour les Allemands, 40 ans pour les Belges. Cette période de colonisation n'aurait pas dû être, il fallait plutôt la collaboration, la coopération. Comment est-ce que ça... Ça aurait pu être possible. Qu'est-ce que le Burundi avait à vendre en ce temps-là? Ben, le Burundi avait à vendre... Pourquoi les pays européens, à la conférence de Berlin de 1885, ont décidé de se partager l'Afrique? On nous parlera des fameux 3C, civilisation, commerce et christianisation. Vous croyez que c'était ça? C'était surtout pour chercher les ressources naturelles, pour les industries. Que regorgent ces pays africains? Oui, ils le savaient. Ils le savaient parce qu'ils ont dit, ils ont passé de l'esclavage à la colonisation. Mais ce n'était pas pour les 3C. C'était pour, parce qu'il y avait... L'Afrique, on sait, les pays avaient des ressources matérielles importantes, des ressources minières, donc et aussi un marché, des marchés où ils pouvaient aussi verser les produits, etc. Est-ce que le Burundi ou les Burundais le savaient qu'il y a des matières à vendre, disons par exemple le sous-sol? J'allais poser la question, est-ce que le Burundi était comment avant 1962, sous la colonisation belge et allemande? Sous la colonisation, bien évidemment, vous pouvez parler de que c'était une société dans un contexte d'oralité. Parce qu'il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de route. Mais avec la coopération, on pouvait aussi échanger et qu'il nous apporte, si vous voulez, les produits industriels européens et que nous pouvions donner ces autres produits. Évidemment, le contexte de cette époque... Et c'était toujours un contexte de guerre. Si vous voulez, c'était un contexte de guerre. Même les pays, entre les pays européens, c'était la loi du plus fort. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de guerres, même entre les pays européens. Vous savez même que la première colonisation allemande a été évincée après, suite à la guerre, la première guerre mondiale, alors que ces pays même qui se faisaient la guerre étaient ensemble à Berlin pour se partager le continent africain. Donc, c'est un problème d'intérêt. Permettez que je passe le micro à M. Faustin Dikoumana, consultant indépendant et économiste. Quelle serait votre analyse de votre côté? Vous êtes un consultant indépendant. Le pays est souverain, indépendant depuis 58 ans. L'évolution a été comment? À différents secteurs que vous pourriez toucher. Je parle ici des secteurs économiques et sociaux, au niveau de la gouvernance, de la diplomatie, etc. C'est beaucoup de choses. Et d'abord, pour moi, le concept d'indépendance, je l'analyse sous deux aspects. D'abord, il y a le premier aspect où je le classe dans le contexte historique. Oui, les pays africains, les pays latino-américains ont été colonisés. À un certain moment, avec la révolution industrielle, précédée par les voyages des explorateurs, souvenez de Stanley, ici, Livingston, on était à la conquête du monde pour avoir surtout les matières premières pour l'industrie naissante et des pays industrialisés. Dans ce cas, avec la technologie supérieure des pays développés, les pays comme les pays africains, les pays sud-asiatiques, les pays latino-américains ont cédé. C'est cela le contexte historique. Par après, alors, après la Deuxième Guerre mondiale, après la création de l'ONU, il y a eu un mouvement justement de lutter pour l'indépendance des nations. Et les pays sont redevenus indépendants dans le contexte des droits de l'homme universel avec la déclaration de 1948. Ça a été un mouvement généralisé pour stopper, pour couper court avec cette hégémonie des pays forts contre les pays faible. Mais il y a aussi l'indépendance difficile à clarifier parce que finalement, aucun pays n'est indépendant dans le contexte pragmatique de gestion quotidienne. Aucun pays n'est indépendant aujourd'hui. Il y a l'interdépendance des nations à travers les relations historiques, les relations fondamentales qui doivent exister entre pays, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique. Donc aucun pays ne peut se suffire. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Tu es indépendant par rapport à quoi? Ici, même si on analyse l'ordinateur que porte monsieur le porte-parole, il nous est fabriqué d'où? Il est fabriqué ici au Burundi? Non. Nous accédons à la technologie de l'ordinateur grâce à l'extérieur. Donc, les pays sont interdépendants. Même les pays européens, les États-Unis, et la Chine, il y a interdépendance. Mais il y a des différences en tout cas, M. Faustin Koumara. Je d'avance. Donc, l'indépendance dans ce contexte pragmatique est difficile à dire. Mais si on le définit comme le recouvrement des nations au niveau de la gestion institutionnelle par les fils et filles d'une même nation, avec un contexte historique qui est indéfini, ce sera indépendance ou souveraineté qu'il faut analyser. Et à ce moment-là, on peut dire que le Burundi, justement, après le recouvrement de cette indépendance, il y a eu des hauts et des bas, des crises politiques. Vous savez qu'au lendemain du recouvrement des indépendances, il y a ce qu'on appelle les lendemains qui ont déchanté dans les pays africains. Il y a eu des crises. Je me souviens d'un président africain qui s'appelait Ahmed Sékou Touré. Il aimait dire que pour lui, le clanisme est pire que le colonialisme. Les médias, le clanisme, donc quand les nationaux se déchirent entre eux, c'est pire. Parce qu'un étranger, s'il vient vous asservir, c'est de droit parce qu'il cherche ses intérêts économiques. Mais quand c'est les crises entre les fils et filles d'une même nation, que ce sera qui est beaucoup pire. En fait, le lendemain qu'ils ont déchanté, c'est que le lendemain des indépendances, beaucoup de pays africains ont sommé dans des crises répétitives, y compris au Burundi, des hauts et des bas. Mais ils essaient d'avancer avec les sommets de la borne, la démocratisation. Il y a eu des périodes de dictature, il y a eu des périodes de liberté, il y a eu les sommets de la borne, l'avance de la démocratie, des hauts et des bas. Mais quand même, il y a des avancées, peut-être qu'on peut évaluer. Mais jusqu'à maintenant, le concept de domination entre nations reste toujours, je dirais, centré sur la domination technologique. Et une question que peut-être je poserai à tout le plateau ici. Les Burundais menaient ensemble des guerres contre la colonisation, contre les colonisateurs. Mais après l'indépendance, justement, des guerres fratricides ont éclaté et de façon répétitive. On peut citer des dates emblématiques, si l'on peut le dire ainsi. 1965, c'était juste 3 ans après le recouvrement de l'indépendance. 1965, 1972, 1988 avec Nega Marangara et 1993. Pour ne citer que celle-là peut-être, pourquoi ces déchirements entre Burundais eux-mêmes, n'est-ce pas une lacune grave pour l'indépendance nationale? Justement, pour cette souveraineté. Vous savez, quand les pays africains ont recouvert l'indépendance, il y a eu des problèmes, la jeunesse des cadres, l'impréparation de certains cadres, l'inexpérience, la jeunesse. À un certain moment, il était difficile de ne pas avoir de heurts, parce que, vous vous souvenez par exemple, au Burundi, en 1966, on avait un chef d'État de 19 ans et un président de 26 ans. À un certain moment, il y avait des problèmes d'expérience, des problèmes d'impréparation justement de ces jeunes cadres. Vous parlez de Charles Ndizeye, qui était roi et Michombero était premier ministre. Oui. Et par exemple, au lendemain de l'indépendance au Burundi, de 62 à 66, la moyenne de longévité gouvernementale était de 7 mois. Je l'ai analysé ça, 7 mois. La moyenne gouvernement. Et d'abord, le premier gouvernement Muhirwa, presque 9 mois, puis le gouvernement Ngendandumwe, presque 7 mois, le gouvernement Nyamoya vient, 7 mois, le gouvernement Ngendandumwe vient, il est assassiné, il y a un vide politique, on organise les élections de 1965, difficile de nommer le premier ministre, il y a l'attaque du palais de 65 à 66, vide politique. Le roi est absent, le premier ministre a été presque assassiné, il est tenté il est tenté de soigner en Europe en 66. C'est justement Ntare 5 qui est intronisé. Il y a un problème de cohabitation entre Ntare et, je crois, et le prochain premier ministre. Vous savez, ça montre combien, mais au lendemain de l'indépendance, les vicissitudes sont directement à Paris. Est-ce que je peux vous poser la même question, monsieur le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwande-Nzako? Pourquoi ces déchirements répétitifs au sein des Burundais eux-mêmes après le départ des colonisateurs? C'est très simple. C'est très simple. Je ne vais pas m'apesantir beaucoup sur cette question. D'abord, pour amorcer ma réponse, je vais te dire, je pense que les autres invités ont déjà relevé cet aspect. La colonisation n'est pas encore terminée. La colonisation est toujours là, mais sous une autre forme. Parce que comment a-t-elle commencé? Il y a ce qu'on appelle d'abord les explorations. Il y a des explorateurs qui sont venus pour tâter le pot, pour voir ce qu'il y a. C'est peut-être une phase. Ouais. Après les explorateurs, nous avons eu des missionnaires. Parce qu'il y a eu des missions. Les explorateurs ont donné rapport, ils ont dit que ces peuples-là sont vraiment très bien organisés. Pour pénétrer dans ces pays-là, il faut les endormir. Alors, l'évangélisation, la christianisation ou les missions avaient cet objectif-là. Et quand ils ont terminé leur travail, c'est la colonisation qui a commencé. Et quand on s'est dit que le colon est chassé de l'Afrique, des pays colonisés, tout simplement, c'est le néocolonialisme qui est apparu. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation, de la globalisation, mais ce sont des formes de colonisation d'une manière ou d'une autre. Donc, grosso modo, le modus operandi des colons est toujours le même. C'est diviser pour régner. Ils divisent pour régner. Donc, pour parvenir à leur fin, à leurs objectifs, ils sèment la pagaille, ils sèment la zizanie, ils sèment les discordes. Si aujourd'hui, après le soi-disant départ des colons, parce qu'ils peuvent y avoir... Ouais, pour moi, ils peuvent partir physiquement et rester virtuellement. Ils peuvent rester ici sous une autre forme, je vais te le dire. Mais, c'est-à-dire que vous sentez encore leur présence, la présence des colons. Où ils sont toujours là. Comment? Ces organismes, la création, la mise en place de ces organismes internationaux, c'est une façon de garder une mainmise sur les anciennes colonies. Parce que ces matières premières qu'ils sont venus chercher, les matières premières sont toujours ici. C'est ce que le président qui vient de nous quitter, son excellence Pierre Nkurunziza, disait. Nous sommes victimes non pas des crimes que nous avons commis, mais nous sommes victimes de notre situation géographique et géologique. Non minérée, et puis, mais aussi... Donc, en d'autres termes, notre richesse. Ouais. Sera peut-être notre problème on avec victime, ces gens. On est victime de la richesse. Oui. Il y a un proverbe ougandais qui le dit mieux, qui dit que les malheurs de la vache font le bonheur du chien. Si nous avons... Ils peuvent créer des problèmes chez nous, pour profiter de ces problèmes-là. Mais pour me résumer, la question que tu as posée, ces déchirements, ces guerres fratricides, ces troubles... Pourquoi ça se répète? Ça se répète parce que, comme je l'ai dit quand j'ai commencé avec ma première question, c'est que les colons ont inoculé un poison aux pays colonisés. Il y a un venin, donc un poison, qu'il faudra vraiment traité pour plusieurs années. Ils ont même formé une élite, entre guillemets, pour donc prendre la relève après leur départ. Former une élite, quelle élite? Parce que, attendez-moi un tout petit peu, avant la colonisation, les guerres fratricides ne s'observaient pas au Burundi. Ces guerres ont commencé après la colonisation. Parce que c'est à cause de cette politique de diviser pour régner, c'est à cause de ces enseignements, c'est à cause de la destruction du tissu social, c'est à cause des enseignements qui ont divisé les Burundais qui continuent à sentir les conséquences de cette colonisation-là. En tout cas, c'est curieux de dire qu'avant, il n'y avait pas de ces guerres fratricides, et justement, il y a lieu de poser cette question. Pourquoi justement, on s'entretue aujourd'hui, alors qu'on a d'autres choses à faire pour développer le pays? On s'entretue aujourd'hui par ignorance. On s'entretue... Écoute, quand il est empoisonné, quand il prend un poison, ton corps ne réagit pas comme il réagissait avant. Il te faut un médicament qui ne peine pas. Des fois, on a besoin d'une combinaison de médicaments. Il faut une thérapie complexe pour que quelqu'un retrouve sa santé d'avant. Donc, ces enseignements-là, avec leurs pions, leurs serviteurs qu'ils ont placés ça et là, nous continuons à... Si aujourd'hui il y a des troubles, il y a des gens qui... Si la chasse à l'homme, si le noir aujourd'hui chasse le noir, et si un Burundais aujourd'hui s'attaque à notre Burundais, c'est à cause de cette école-là, c'est à cause de ces enseignements-là divisionnistes qui vont prendre du temps. Il faudra du temps, il faudra assez de temps, il faudra une campagne de changement de mentalité, il faudra une campagne de désintoxication parce que le peuple est intoxiqué. Donc, ça ne se fera pas en une nuit, ça ne se fera pas en une journée, mais petit à petit, on va y parvenir. Il faut d'abord commencer par la prise de conscience collective. Mais curieusement, on le sait, on le vit, ces divisions, on sait d'où ça vient. Je le dis entre guillemets, si on sait d'où ça vient, les origines de ces divisions, de ces déchirements entre frères et sœurs, mais il faut éviter. Comment leur éviter? C'est déjà évité. Aujourd'hui, c'est déjà évité. Vous avez parlé de 1965. Vous avez parlé des autres années comme jusqu'à 1993. Ces années sont derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dire à un soi-disant Hutu, à un soi-disant Tutsi, d'aller s'entretuer. Maintenant, ils ont compris. Le diagnostic est déjà terminé. Les Burundais commencent aujourd'hui à comprendre qu'être Hutu ou être Tutsi ou être toi, ça, ce n'est pas le problème. Et d'ailleurs, avec la définition d'ethnie ou de tribu, deux ethnies ne peuvent pas parler une même langue. Au Burundi, donc les définitions des anthropologues et des sociologues sont d'accord avec moi que nous n'avons pas trois ethnies au Burundi. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Nous l'avons accepté. C'était à un moment. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Burundais comme le professeur Mworoha qui connaissent la vérité, connaissent la réalité, qui peuvent éclairer le peuple burundais et leur dire « Vous vous êtes trompés. C'est le moment donc de comprendre. C'est le jour s'est levé. Réveillez-vous et quittez ce sommet dans lequel vous a plongé le corps. » Vous vous êtes trompé, les Burundais se sont trompés et avec ces déchirements, ces guerres fratricides. C'est votre analyse, professeur Émile Mworoha. Vous êtes historien, vous savez beaucoup de choses. En oui, tout cas. Oui, je vous remercie. Et effectivement, vous savez, ces divisions dont vous parlez, oui, manifestement, trouveraient les racines dans le mal colonial, particulièrement la colonisation belge. Parce que, regardez, parce qu'il y a au Rwanda, au Burundi et aussi au Congo, si vous voyez comment nous avons été colonisés, vous savez, maintenant même, là où nous parlons, beaucoup de Belges et beaucoup de Congolais demandent que le statut de Léopold II soit déboulonné à Bruxelles. Il demande ça maintenant. Parce que dans le système colonial, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a eu l'idéologie de division qui a été diffusée. Par exemple, en ce qui concerne le Burundi, comme il le disait, les catégories sociales, qui étaient les Bahutu, les Batutsi, les Batwa, etc., avec les mêmes identités claniques, lorsque les Belges sont venus, ils ont dit... Écoutez, avec l'idéologie de Gobineau, qui a toujours de la supérieure et de la inférieure, ils ont dit que le Burundi et le Rwanda, etc., il y avait de la supérieure et de la inférieure. Entre Burundais, donc. Oui, oui. Des gens qui sont supérieurs par rapport aux autres. Au sein des Burundais eux-mêmes. Oui. Ils ont dit qu'il y a des races Tutsi, races Hutu, races Twa, etc. Et qu'il y a une race supérieure, Tutsi, qui domine de la race inférieure. Mais ces catégories sociales, les Hutus, les Twa, les Tutsi, étaient intégrées dans le fonctionnement de la monarchie d'une manière profonde et fondamentale. Isanganiro. Et c'est comme ça que même le système qu'ils ont instauré, ils ont d'abord amené ces divisions et aussi en y intégrant le système féodal européen, en essayant de lire, il y a des ouvrages qui disaient Rwanda, Burundi, étranger royaume féodal. Mais ils ont envoyé même un professeur, Smith, en 1935, pour vérifier. Un professeur belge. Belge, de l'Université de Bruxelles. Pour qu'il vérifie si effectivement le Rwanda, le Burundi était un pays féodal. Il a démontré que le Burundi n'était pas un pays féodal. C'est un pays de prestataires, où nous avons donc le roi. Ou qui avait, si vous voulez, qui avait sa cour et qui avait des fonctions, qui intégrait tout le monde, etc. Il a dit ce n'était pas du tout un pays féodal à la manière de l'Europe du 16e siècle. Son étude n'a pas été publiée. Parce qu'il n'a pas justifié. Là. Bon. Alors, surtout, regardez, même le système scolaire, avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas, presque pas d'enseignement supérieur au Burundi, d'enseignement secondaire au Burundi. Les Belges disaient pas d'élite, pas d'ennui. Donc, en 1955, Ils ne voulaient pas participer à la formation de l'élite burundaise. Non, lorsque le roi de Belge est venu en 1955 au Burundi en visite, moi j'étais à l'école secondaire, nous avons été le saluer, le chanter pour lui. Et il y avait le professeur Van den Burs qui était à Kinshasa, qui a dit que le Congo belge sera indépendant certainement. Préparez-vous, dans 30 ans, il sera indépendant. En 1985, le Burundi sera indépendant. Voilà, triste fou. On disait, mais Et puis un autre a dit, je pense qu'il y aura une évolution en 1985. Il y aura un Sénat belgo-congolais qui sera à Bruxelles. Donc, c'est-à-dire que l'indépendance pour le Burundi, l'indépendance pour le Congo belge, c'était un risque pour la Belgique. Oui, oui, parce qu'il n'avait pas prévu ça. Mais en 1960, il était devenu indépendant. Mais l'acquisition de l'indépendance est dans la catastrophe. Parce qu'au Congo, on a assassiné Lumumba. Au Rwanda, Harwa a prononcé ici au Palais de la Nation, qui était le palais du conseil colonial du Rwanda-Burundi. Il a prononcé en 1957 qu'il y avait un programme Hutu-Tutsi pour la première fois. Et Mutara s'est opposé, et puis l'année suivante, il a été assassiné mort. Guagasore est mort. Donc, décolonisation dans la catastrophe, tous les dirigeants sont passés. Et puis, avec même la guerre civile au Congo. Donc, on ne peut pas dire que, naturellement, tout cela a eu un impact sur la gestion des États indépendants. Parce qu'il n'y avait pas non plus de ressources, il n'y avait que l'État. L'État, donc il y a eu quand même des combats pour le contrôle de l'État et puis aussi toutes ces divisions qui ont été inoculées dans la population. Et tout ça, il y a quand même un héritage colonial qui justifie. Mais naturellement, il faut aussi maintenant que les nationaux prennent en main leur destin. Ce n'est pas pour justifier. Oui, justement, ce n'est pas pour justifier. Mais avant d'y arriver, si vous y allez directement, l'indépendance, c'est déjà un acquis, mais il faut la consolider. Sinon, quels sont les défis aujourd'hui qu'a le Burundi? Il faut consolider cette indépendance nationale. Oui, oui, oui. Il y a les défis. Les défis, vous savez, il y a aussi la consolidation de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une institution qu'il faut toujours consolider, comme tout projet. Si vous ne consolidez pas, il faut que nous continuions à consolider la démocratie de la base au sommet, en sachant que la démocratie, ce n'est pas seulement l'élection. C'est aussi les droits de l'homme, c'est aussi la justice, c'est aussi la bonne gouvernance. Donc, je pense que il faut aussi le développement. Il y a aussi le défi démographique. Il y a un défi fondamental. Si vous voyez la région de Kayanza ou la région de Ngozi, pour parler de ma propre région, je pense que vous voyez vraiment, c'est comme des villes. Il y a beaucoup de monde dans un univers rural où les gens, quand même, ils n'ont pas assez de terres pour cultiver. C'est aussi le défi de l'industrialisation. Il faut répondre par... Donc, comment sont les défis démographiques? Comment sont les défis nous pouvons le surmonter? Il y a le développement rural, il y a l'intégration régionale, il y a la coopération internationale. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire appel pour assurer le développement continu de notre pays. Oui, c'est la même question chez vous, M. Faustin Dikoumana, économiste. Il y a des défis à relever pour consolider cette indépendance. Et justement, je pense en plus qu'il devrait y avoir prise de conscience chez les Burundais eux-mêmes pour consolider cette indépendance, ce recouvrement d'indépendance d'il y a 58 ans. D'abord, s'il y a eu colonisation, il faut nous convenir sur une chose. Ça a été motivé par des raisons purement économiques. Purement économiques pour aller chercher les matières premières ici et là. Et la technologie, quelqu'un qui vous dépasse en technologie, je vous le dis, d'une manière ou d'une autre, il va vous dominer. La technologie, c'est l'instrument de domination des nations. Même Moïse Gisabo qui avait résisté, c'est la technologie du physique qui l'a évincé. C'est pas dans ce gars-là, allez, tirer, tirer. Mais quand il y a eu ting-ting, fusil automatique, ils ont directement eu ça. Donc, la technologie, vous voyez même aux Nations Unies, quand on a décidé de donner le statut de 5 permanents des Nations Unies, pays 5 permanents, on a d'abord évalué les pays qui se sont déjà dotés de la technologie nucléaire. C'est la technologie nucléaire qui vous dit que vous êtes grand. Mais sinon, mes chers amis, le premier défi en Afrique, c'est ce développement, accéder à la technologie. Nous regorgeons des matières premières. Nous en faisons quoi? C'est drame géologique. Donc nous en faisons quoi? Il faut suivre le modèle asiatique. Les Asiatiques, justement, ont su comment, justement, apprendre sur leurs anciens maîtres. Maintenant, ils ont terrassé les anciens adversaires. La révolution Meiji au Japon a produit des miracles. Apprendre de leurs anciens maîtres. Est-ce que, je me souviens le discours de est-ce que les Burundais, nous sommes capables d'apprendre de nos anciens maîtres? Justement, c'est comme ça, à partir de cette volonté, on peut y arriver. D'abord, si le colonisateur est venu pour diviser, pour régner, c'est tout à fait légitime. Quand quelqu'un veut vous dominer, il doit vous diviser. Est-ce que vous pouvez être surpris de ça, de son comportement? Quand quelqu'un veut vous dominer, il doit vous diviser. Mais cette graine de division, ce qui me chagrine, moi, ce qui m'écœure, quand on jette une graine dans un champ, il ne faut pas l'arroser quand il est mauvais. Nous continuons à arroser une graine, une boutombine. Une arroser comment? Je viens dans votre champ, je sème une graine, une semence, quoi. Si elle est mauvaise, il faut ne pas l'arroser pour que, justement, elle ne continue pas à s'enraciner. Vous comprenez? Donc, si on a semé la graine de la division, nous les Burundis, il ne faut pas y mettre du fumier, il ne faut pas arroser, il faut plutôt pas des engagements pour que cette graine ne s'enracine pas. Est-ce que nous les Burundais, on arrose ou on arrache cette graine? On arrose pas nos comportements, justement, au lendemain des divisions, de quoi on s'entre-déchire, au niveau ethnique, au niveau régional, vous savez, les problèmes régionaux, les problèmes ethniques, les guerres, les réfugiés. Au lieu, justement, de prendre le taureau par les cornes, nous dire, nous les Burundis, essayons de voir comment renforcer la cohésion nationale, l'unité et la cohésion nationale. Quels sont les facteurs, quels sont les éléments qui doivent nous aider à renforcer cette cohésion? Tout à l'heure, mais où est cet obstacle qui nous empêche d'arracher cette mauvaise graine dans nos champs? Justement, ce processus comportement antidémocratique, son comportement d'égoïsme de certains cadres au lendemain des indépendances. Le clanisme, donc, c'est-à-dire l'égoïsme, je prends le pouvoir, il faut entretenir les gens de ma région seulement, de mon ethnie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'entre-déchirer. Les populations finissent par s'entre-déchirer. Et vous savez, la monarchie, justement, on dit qu'avant la colonisation, la monarchie était très forte. Mais après la monarchie a été vite dépassée par le comportement de certains cadres. Ils ont voulu prendre le pouvoir. On dit qu'il y a une course entre les ailes de prendre le pouvoir. Attends. En 65, on a vu ce qui s'est passé. En 70, ce qui s'est passé. Et quand on a évincé le roi, ceux qui ont pris le pouvoir, la République, au lieu d'être une république vraiment universelle, une république pour protéger les intérêts nationaux, ça n'a pas été ainsi. Et les gens ont choisi alors aller dans le maquis pour combattre, pourquoi? Et voilà comme ça, on en est arrivé là. Jusqu'à ce que vraiment on commence à dialoguer dans les années 2000. Je me souviens, je présente mes excuses pour M. Émile Mouroua. Moi, en 1985, c'était à l'époque du président Bagaza. J'étais à l'école secondaire. Je me souviens que quand on a pris les séminaires, quand on a nationalisé les séminaires, les représentants du parti Ipura qui étaient venus nous expliquer à l'école secondaire, étaient venus avec un document dire que la Belgique et l'Église catholique sont mauvais, ils entretenaient des opposants extérieurs, le parpe et quoi, avec des histoires comme ça. Après, le même discours revient encore une fois. Quand les opposants sont à l'extérieur, on nous dit encore une fois que c'est le colonisateur. Je crois que la conscience doit être à nous. La façon dont nous gérons la cohabitation, le respect des droits de l'homme, la justice, cette démocratie qui protège tout le monde, qui protège les intérêts de tout le monde. Moi, j'ai suivi ça. Le discours reste le même. Quand vous êtes opposant, on vous taxe que vous êtes à la sorte des dieux colonisateurs. C'est le discours. Quand on voit, donc je me dis qu'il faut que cette cohésion soit entre nous, les Burundais. Le colonisateur restera toujours là. Tout à l'heure, M. le porte-parole du président de la République a dit que la domination continue. Il continuera pour des nations faibles où, à l'interne, les composantes de cette société ne font pas un effort pour se solidifier à travers l'unité et la cohésion nationale. Mais une petite question, M. Faustin Ndikumana, est-ce que les Burundais, le Burundi ne reste-t-il pas dans la position d'avoir besoin des appuis extérieurs, des appuis des autres nations au regard de la situation actuellement? Et tout à l'heure, on parlait de l'industrialisation, des infrastructures routières, etc. Est-ce que le Burundi est capable Je vous ai parlé du modèle asiatique, le discours de la révolution Meiji, de l'empereur Mutsuhito. Il disait avec la révolution Meiji, nous avons envoyé des techniciens japonais pour aller prendre la technologie dans les pays avancés. La technologie, c'est aussi le terme que vous évoquez. Nos anciens maîtres, ils en étaient fiers. En acceptant la technologie, si par exemple aujourd'hui, le Japon a une entreprise comme Toyota, et les concurrences directement Renault des Français, et les concurrences Chrysler des Américains, parce qu'on a déjà atteint à cette technologie. Je crois qu'ici même en Afrique... Ayant appris de leur maître. Oui, justement, parce qu'ils étaient avancés en technologie, l'évolution industrielle de l'Europe, et avec le scientisme, les découvertes scientifiques, c'est vers même le 18e, le 19e siècle. Et quand ils ont dit, nous devons apprendre ça, ici au Burundi, l'école, il est calqué sur le modèle, quel modèle, et monsieur le professeur, il est calqué sur le modèle occidental, nos universités, ils coopèrent avec qui? Nos états qui doivent faire le troisième cycle. La technologie, justement, nous avons été dépassés au niveau technologique. L'Afrique doit faire son effort pour faire une avancée au niveau technologique, commencer à exploiter nos minéraux nous-mêmes, commencer à prendre notre destinée économique, parce que même cette domination financière, c'est à partir de ce modèle économique où on exploite. On exporte les matières premières et on nous revend les produits finis avec une valeur ajoutée aussi élevée. Et cette différence entretient justement cette domination, même qui alimente la finance internationale. Je crois que quelque part, alors, il faut une avancée, un engagement par rapport à ça. Domination, vous dites que le Burundi est encore dominé. Monsieur le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karelwa, est-ce que vous n'estimez pas que le Burundi a encore besoin des autres nations par rapport à l'inverse? Dans le contexte actuel, tous les pays ont besoin l'un de l'autre. Nous avons besoin des autres pays. Les autres pays ont besoin de nous. Nous ne sommes pas créés, comme le disait il y a quelques jours l'actuel président, nous ne sommes pas créés pour être aidés, mais pour s'entraider. Nous ne sommes pas créés pour dépendre des autres. Oui, nous ne dépendons pas des autres. Nous dépendons l'un de l'autre. Nous sommes dans l'interdépendance, c'est ça. Oui, nous devons nous inscrire dans une forme de symbiose, dans une forme de coopération, d'entraide mutuelle. Si aujourd'hui on fait recours au Burundi pour intervenir en Somalie, c'est d'une part c'est pour aider les Somaliens à recouvrer la paix, mais d'autre part c'est pour protéger des intérêts des Occidentaux qui transitent les marchandises par ce coin-là. Donc le Burundi, c'est un pays aujourd'hui qui, bien entendu, a besoin des autres pays. Oui. Et le pays garde toujours la main tendue. Mais c'est aussi un pays qui a à offrir, en plus de ses ressources humaines, donc de ses contingents qu'il peut déployer pour restaurer la paix dans les pays comme la Centrafrique ou la Somalie. Comme nous l'avons dit, nous avons aussi des hommes. Nous avons aussi des ressources minières. La technologie, pour moi, la technologie ASL ne suffit pas. Et je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 médecins burundais qui sont en France, peut-être une centaine. Seulement en France. Seulement en France, plus de 200 médecins spécialistes. Ils sont partis pour faire la troisième cycle, ils sont restés là-bas. Ils ont la technologie, ils ont la science. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut d'abord une prise de conscience parmi les enfants du Burundi. Il faut que les gens comprennent qu'il nous faut une révolution socio-culturelle. Pourquoi est-ce que leur pays natal, le Burundi, ne les attire pas quand ils partent pour la France, pour l'Europe? Ils aident, entre guillemets, je l'ai dit, l'Europe, je le répète, beaucoup plus que l'Afrique et le Burundi spécialement. Oui, je l'ai dit, je le répète, il y a un code que les colons détiennent jusqu'à aujourd'hui. Il y a un code dans leurs enseignements, donc dans leur philosophie. Le temps qu'ils ont passé ici, parce qu'ils sont avancés, nous devons nous inscrire dans une école qui tourne le dos au modèle occidental, au modèle colonial. Il faut repenser notre système d'éducation. Parce que d'abord, ils ont détruit notre système d'éducation, notre système de justice. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de tribunaux que de justice. Mais les Burundais, d'avant la colonisation, étaient très justes. On respectait les veuves, on respectait les orphelins. Mais aujourd'hui, regardez, il y a des gens qui peuvent se comporter. Parce qu'avec la venue des avocats, des avocats peuvent être même avocats du diable. Donc notre justice doit... Nous devons réfléchir comment revenir sur la justice d'avant la colonisation, revenir sur l'éducation d'avant la colonisation. Bien sûr, la colonisation n'est pas mauvaise dans tous ses aspects. Il y a ce qui est positif que nous devons prendre et ce qui est négatif que nous devons rejeter. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'il nous faut. Et en un peu de mots, donc il faut révolutionner notre pensée. Il ne faut pas toujours ça, donc, croire... Une prise de conscience, c'est ça. Oui, il faut prendre une prise de conscience, il faut un changement de mentalité. Excusez un peu, sur cet accès à la technologie, je vais faire une nuance. Quand on parle de... beaucoup, M. Faustin, sur quand on parle de la technologie. Ce n'est pas cette formation de dire on a formé un médecin pour aller faire soigner. C'est cet accès à la technologie, par exemple, produire, fabriquer les médicaments. Les médicaments dont on veut besoin, les médicaments contre les maladies, par exemple, en médecine, la recherche sur les médicaments contre le diabète, tous ces médicaments que nous importent des groupes pharmaceutiques européens, il faut commencer à prendre à, par exemple, les fabriquer ici sur place. C'est ça la technologie. La technologie, c'est la fabrication de ces produits. Il faut que cet ordinateur, un jour, soit fabriqué ici au Burundi. C'est ce qu'on veut dire. Si nous exportons les mines de Gakara, ce sont les terres rares, nous les exportons en Europe. Mais on les fabrique avec les ordinateurs ou d'autres matériels électroniques. On les revend chez nous. C'est ça la technologie. Nous les disons, venez prendre. Mais il faut d'abord passer sur le banc de l'école. Justement, ça c'est que le banc de l'école, former, investir davantage les capitaux, commencer à faire l'expérience sur place. Parce que le modèle asiatique, j'y reviens, parce qu'il a abouti à des résultats concret. Même l'Inde aujourd'hui. L'Inde, c'est la cinquième puissance mondiale. L'Inde aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de patients burundais ou africains vont se soigner, n'est-ce pas, en Inde. Parce que la technologie est avancée en Inde. J'allais poser nous une devons petite... alors faire cet effort parce que les autres ont réussi. Même en Amérique latine, on commence à réussir. C'est l'Afrique qui a raté plutôt. Il faut que l'Afrique vraiment nous prenne conscience. Au Burundi, je vais dire, mais en général, il faut prendre cette conscience. Oui, mais avec ce concept de technologie, il faut le prendre avec des pincettes. Pourquoi? Ceux qui fabriquent, ces gens-là qui fabriquent les médicaments, par exemple, ce sont eux-mêmes qui fabriquent les maladies, d'une manière ou d'une autre. Ces gens-là qui fabriquent les ordinateurs, ce sont eux qui fabriquent les virus pour vendre des antivirus. Parce qu'avant cette technologie-là, écoutez... Donc, l'école... Mais vous ne pouvez pas, M. Karekwa, vous ne pouvez pas vous passer dans cet ordinateur. Oui, dans le contexte actuel, il est très difficile de s'en débarrasser. Mais il faut reconnaître qu'avant la création de l'école classique, les enfants étaient éduqués de par le monde. Et les enfants savaient ce qu'il faut faire. Les Burundais pouvaient fabriquer les armes et ils pouvaient résister pendant ces temps. Ils ont résisté pendant ce temps. C'est la plus forte résistance coloniale en Afrique. La résistance de Moïse Gissa. 7 ans de résistance. Les Burundais pouvaient cultiver avec une eau fabriquée par les Burundais. Aujourd'hui, ils dépendent d'une eau qui vient de la Chine. Tu vas me dire qu'ils ont. La technologie est venue. Est-ce que nous avons avancé? La technologie ne nous a pas permis d'avancer. En médecine, on avait des vétérinaires qui soignaient les animaux. On avait des médecins qui soignaient les malades, même les fous. Et aujourd'hui, on doit faire recours aux médicaments, aux comprimés qui viennent de l'Inde, qui détruisent les reins. Et on prend des médicaments pendant 5 ans. On est foutu. Donc il faut technologie aussi... et autres. Oui. Professeur Émile Mouroha, oui. Y aurait-il un mot à placer? Moi, je pense que effectivement, il ne faut pas fuir notre responsabilité. Nous avons une responsabilité du développement de notre pays. Nous devons assurer la mobilisation de la population, en même temps que nous créons nos propres infrastructures, infrastructures économiques. Il y avait quand même un morceau d'infrastructures économiques, quand je me souviens, un régime que j'ai servi sous la Deuxième République, il y a eu quand même des infrastructures économiques, infrastructures, construction de l'aéroport, construction des routes qui ont vraiment relié toutes les provinces. Infrastructures sanitaires, mais infrastructures scolaires et universitaires qui sont importants. Donc nous devons mobilisation de nos propres ressources et de notre propre capacité, en même temps qu'on fait appel aussi à la coopération internationale, la coopération régionale. Donc effectivement, il y a une interdépendance, mais il y a une responsabilité nationale à travers l'éducation, à travers... Et aussi la mise à contribution de notre culture. C'est vraiment très important. Moi, je pense que nous avons beaucoup de défis, mais nous sommes responsables des innovations. Et je pense que, vous voyez, même si on met l'accent sur la coopération internationale, il y a le modèle, par exemple, de construire un véhicule. Et à commencer quelque part, et c'est diffusé à travers le monde. Oui. Et puis après, il y a eu des coopérations, même la construction d'un avion. Il y a des pièces qui sont faites, par exemple pour Airbus. Il y a des pièces qui sont faites en Angleterre, d'autres en Allemagne, alors que le siège est en France. Donc, je crois que nous avons la nécessité de la coopération, mais nous devons savoir qu'il n'y a pas de pitié, on ne va pas vous donner quelque chose pour rien. Ce sont des échanges entre pays. Si vous y allez directement, nous tendons vers la fin de l'émission, y aurait-il des propositions sur comment devraient se comporter les Burundais, dirigeants et dirigés, en vue de bien consolider l'indépendance que nous avons il y a 58 ans, que nous avons recouvré il y a 58 ans? Des propositions Les propositions... Vous savez, les propositions, ce n'est toujours pas facile. C'est ce que je venais de dire. Nous avons des défis dans notre développement. Défis liés à une situation difficile et aussi de notre économie. Nous n'avons pas beaucoup de choses à exporter. Il n'y a que le café et le thé. Le minerai un peu aussi. Mais il faut travailler pour que nous puissions aussi exporter, pour que nous puissions créer des infrastructures économiques et sociales fondées sur la responsabilité aussi des élites nationales. Ils ont une responsabilité pour mobiliser la population, construire donc le développement, construire des infrastructures économiques, sociales et culturelles, mais aussi savoir qu'il y a des défis. Il faut toujours revenir à la tâche. Donc, je pense que ce qui est important, c'est la mobilisation pour le développement, pour la construction de notre démocratie et aussi la construction de notre modèle économique et social. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Faustin Ndikumana, économiste? Naturellement, donc, pour renforcer cette indépendance, j'imagine que d'abord, il faut, comme je l'ai dit, le renforcement de cette unité, la cohésion. Par exemple, on devrait faire tout pour qu'au Burundi, il n'y ait plus de réfugiés à l'extérieur. Pourquoi parler de réfugiés? Mais il y en a encore aujourd'hui. 300 000 réfugiés aujourd'hui, environ plus de 200 000 réfugiés, on nous dit les chiffres. C'est presque une province qui finalement a fui le pays. Il y a des provinces qui n'aboutissent pas à une population de 300 000 habitants. Donc, il faut faire tout. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire le lendemain ici, mais faisons tout pour que parler de réfugiés au Burundi soit un phénomène qui disparaît. Et puis, allons sur le défi donc lié à la relance économique, parce que nous sommes menacés. Hier, vous avez parlé de questions démographiques. Hier, on a tenu un atelier ici, l'Istebo et le Finwap. On nous a montré comment en 2050, j'ai vu ici, on a les projets. projection démographique jusqu'au niveau communal. On a vu comment en 2050, par exemple, la population burundaise va doubler en 2050. Aujourd'hui, on est à une situation de 0,30 hectares par ménage. En 2050, ça sera encore moins. Le pays n'est pas en train de se lancer, de s'industrialiser. La population est jeune. Plus de 60% de la population a moins de 25. 70% a moins de 35. Comment allons vivre cette situation si le pays ne se relance pas au niveau économique? C'est un défi. Il faut cette bonne gouvernance, il faut cette mobilisation de la coopération, des ressources nationales, des ressources extérieures, de bonne gestion. Peut-être on pourra faire une autre émission pour clarifier comment justement relancer cette économie pour que le Burundi ne soit pas toujours dans cette situation de pauvreté endémique qui fait que l'instabilité économique alimente l'instabilité politique. Maintenant, le Burundi est arrivé dans un cercle vicieux difficile à casser. L'instabilité politique qui alimente l'instabilité économique et en son tour l'instabilité économique entretient l'instabilité politique. Parce que quand les gens sont pauvres, ils sont manipulés. Donc nous devons prendre un engagement en profitant peut-être du leadership aujourd'hui nouveau pour booster toutes les énergies, rassembler les Burundais autour de ces valeurs qui vont nous faire arriver à cette relance économique effective. Monsieur Jean-Claude Karegwa Ndenzako, phénomène de réfugiés, est-ce que c'est possible que ce soit un concept qui disparaît pour le Burundi? La relance économique, est-ce que c'est possible? Est-ce que la croissance démographique, c'est facile à maîtriser? Oui, personnellement, je peux affirmer à haute et intelligible voix que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour le retour des réfugiés. Et d'ailleurs, il y a un retour des réfugiés. Aujourd'hui, chaque semaine, nous avons des centaines de réfugiés qui rentrent. Mais il faut aussi reconnaître le droit aux Burundais qui ne veulent pas rentrer de devenir une diaspora burundaise à l'extérieur. Ça, c'est quand même c'est leur droit inaliénable. Les États-Unis d'Amérique ont plus de 40 millions d'Américains qui sont à l'extérieur de leur pays. Beaucoup de pays ont des gens qui sont à l'extérieur. Mais tous ceux qui veulent rentrer aujourd'hui, ils peuvent rentrer. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. La paix et la sécurité règnent. Le pays n'est pas un pays très développé, mais c'est un pays qui va se développer et qui compte sur toutes les synergies de ses enfants. Nous avons besoin de ces gens-là. Pour nous, les gens qui sont à l'extérieur, c'est une perte pour notre pays. Donc, pour conclure, ce que je peux, moi, pour consolider notre indépendance, je pense que les Burundais, comme je l'ai dit et je le répéterai, prendre une prise de conscience. Il faut reconnaître nos forces et nos faiblesses. Une fois que nous, parce que nous avons des forces, nous avons aussi des faiblesses. Alors, il faut relever les défis, mais aussi capitaliser sur les atouts. Nous avons des atouts. Nous avons des ressources humaines outillées. Nous avons des ressources matérielles, des ressources minières. Ça et là, ça suffit pour les Burundais. Aussi, nous devons nous lancer dans un élan de coopération. Il faut coopérer avec les autres pays. Mais en coopérant, il faut être vigilant. Savoir que la coopération n'est pas toujours gagnant-gagnant. Il y a des gens qui veulent rafler toute la mise. Là, les Burundais doivent rester debout, doivent rester vigilants. Mais avant tout, aimer leur pays. Devenir des patriotes et comprendre qu'aucun étranger ne va aimer leur pays plus qu'eux-mêmes. Et ils doivent aussi apprendre à prendre référence pour les Burundais. Parce que à écouter les Burundais aujourd'hui, ils citent toujours, ils prennent référence pour d'autres pays, ils prennent référence pour d'autres auteurs. Mais au Burundi, nous avons des gens qui peuvent être pris comme référence. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude Karegwa Ndenzako. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du président de la République. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Je vous remercie. Je suis toujours à votre disposition quand vous aurez besoin de moi encore une fois. Merci. Merci à vous, Monsieur Faustin Ndikumana. Vous êtes économiste et consultant indépendant. Merci de votre contribution à cette émission. Merci de nous avoir invités. Nous répondons toujours présents pour donner notre contribution. Nous disons également merci à vous, professeur Émile Mworoha, historien, enseignant d'université, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, ancien coprésident de l'Assemblée ACP-CEE. Merci d'être venu, merci de votre contribution. Je vous remercie de votre invitation. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Mise en onde par Aimé Toussaint Mitewutsi, Renaud Nyongheza et Gracia Justicia Tuikeze pour la prise d'image. Et nous leur disons également merci. Merci également à Evariste Nzikobanyanga pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léon Sebitaliho. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments à l'écoute de la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Thank you.